Nous sommes en compagnie de Marc Saint-Pierre, qui a complété une maîtrise en histoire à l'Université Laval en 2017. Et Marc est ici avec nous aujourd'hui pour nous parler du livre qu'il a publié à partir des résultats de ses recherches de maîtrise. C'est un livre qui s'intitule Revenant de Chine, Normand Béthune en mémoire, qui a été publié aux presses de l'Université Laval en 2023. C'est un livre qui aborde la question des représentations de la mémoire au sujet de ce héros canadien dans le contexte des relations entre le Canada et la Chine. Alors, tout d'abord, merci Marc d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation de participer. Bienvenue à l'émission. Et je te laisse d'abord nous parler un peu de ton livre afin de nous aider à comprendre un peu mieux pourquoi Normand Béthune est à ce point un personnage historique important au cœur des relations entre le Canada et la Chine. Oui, alors d'abord, merci beaucoup, Carl, de l'invitation. Et puis, voilà, je vais vous parler de mon livre et surtout du personnage dont il est question dans ce livre, Normand Béthune. Ce nom vous est peut-être familier, mais au Canada, il est encore très méconnu. Moi-même, avant de visiter la Chine, je ne le connaissais pas. Mais arrivé sur place, les Chinois et par exemple les chauffeurs de taxi évoquaient constamment son nom, Bai Qiuwen, lorsque je mentionnais que je venais du Canada. Encore de nos jours, ce nom, Béthune ou Bai Qiuwen, représente le Canada pour beaucoup de Chinois. Et pour qui vit au Canada et qui s'intéresse sérieusement à la Chine, Béthune est un personnage vraiment incontournable. Le livre porte sur lui d'abord, bien sûr, sur son histoire personnelle, mais surtout sur son engagement, les causes qu'il a épousées. Et dans son cas particulier, l'histoire ne s'arrête pas avec sa mort, puisque sa représentation publique lui survit. En Chine, il va devenir un grand héros. Au Canada, c'est très différent. Il est longtemps ostracisé du domaine public, mais il devient éventuellement important dans un contexte bien particulier, celui du développement des relations sino-canadiennes, comme tu l'as bien mentionné. Mais parlons d'abord de Normand Béthune. Qui était ce personnage? Médecin canadien, Béthune naît en 1890 à Gravenhurst, en Ontario. Il devient docteur en se formant notamment à l'Université de Toronto. Il est atteint éventuellement par la tuberculose dans les années 20. Et il doit passer de longs mois isolé de la société dans un sanatorium en montagne. Il aurait pu mourir de sa maladie, mais il survit grâce à un traitement novateur. Et toute son expérience, son temps passé à réfléchir et le fait d'avoir passé près de mourir dans son sanatorium, lui font se remettre profondément en question. À partir de ce moment, il cherche une cause à laquelle se dévouer, une cause qui pourra bénéficier au plus grand nombre. Il tente différentes choses à ce moment-là. Son contexte de travail lui apporte aussi des éléments de réflexion. À Montréal, il exerce d'abord la médecine comme chirurgien thoracique à l'hôpital Royal Victoria, affilié à l'Université McGill dans un contexte anglophone. Son mentor, c'est l'un des plus grands spécialistes de la chirurgie thoracique au monde. C'est un milieu favorisé. Puis il sert à Cartierville, au nord de Montréal, dans un hôpital catholique et francophone, où les malades sont plus souvent défavorisés. Il réalise l'inégalité des chances dans ces deux communautés. Au début des années 30, année de la crise économique, les pauvres meurent plus souvent de la tuberculose et les riches y survivent. C'est lors de ces années que le docteur Béthune devient de plus en plus politisé et sa nouvelle conscience sociale le mène même jusqu'à devenir communiste en 1935. Personnage flamboyant, plus grand que nature, toujours bien vêtu malgré ses nouvelles valeurs communistes, Béthune est aussi un artiste à ses heures. Béthune avait notamment une belle plume. Et je vous laisse en juger par cet extrait d'un texte écrit en Chine, ce qui nous permet aussi de mesurer la force de ses convictions communistes. À quoi ressemblent ces ennemis du genre humain? Portent-ils au front un signe qui permette de les distinguer, de se détourner d'eux, de les condamner? Non, au contraire, ils sont respectés, honorés, ils se qualifient, ils sont qualifiés de gentlemen. Quelle moquerie! Des gentilshommes, des piliers de l'État, de l'Église, de la société. Ils financent la charité publique et privée à même l'excédent de leur fortune. Dans l'intimité, ils sont aimables et courtois. Ils obéissent à la loi, à leur loi, à celle de la propriété. Mais on peut toujours reconnaître ces gentils gangsters un signe. Menacez-les de réduire le rendement de leur argent, et la bête tapie en eux s'éveille en grondant. Le monde ne connaîtra jamais une paix durable tant qu'ils vivront. L'organisation sociale qui leur permet d'exister doit être abolie. Donc, voilà, mais tu es un vrai communiste. On est dans les années 30, c'est le contexte de la montée du fascisme en Allemagne. Béthune craint ce nouveau contexte. Et lorsqu'éclate la guerre civile en Espagne, Normand Béthune croit qu'il s'agit d'un prélude à la Seconde Guerre mondiale. En 1936, il va en Espagne, il s'engage du côté des républicains, où il va concevoir un service canadien de transfusion sanguine. C'est un service qui fonctionne un peu comme une ambulance où il allait derrière les lignes de front pour faire de la transfusion sanguine et ainsi sauver les soldats qui n'avaient pas à ce moment-là d'attendre d'arriver à l'hôpital pour avoir du sang. C'était une innovation à l'époque. Il va être éventuellement destitué dans des circonstances nébuleuses et doit retourner au Canada. Il n'était pas encore content de ce qu'il avait accompli dans sa vie à ce moment-là. Et puis, lorsque éclate la guerre en Chine avec le Japon, le regard de Béthune se tourne vers la Chine, où il se retrouve à partir de 1938. Il va se dédier à ce moment entièrement à la cause du communisme chinois, les communistes qui menaient une guerre de guérilla contre les Japonais. Et Béthune se retrouvait souvent derrière les lignes de front, encore là, quelques kilomètres derrière, où il opérait les soldats blessés. Il opère avec une grande rapidité et efficacité, de sorte que sa présence augmente le moral des troupes. Un témoin de l'époque rappelle même un slogan souvent répété. Attaquez, attaquez sans peur, ne craignez pas d'être blessés. Béthune et son équipe sont derrière nous pour prendre soin de nous. Après 2 années environ à aider les Chinois, dans des circonstances vraiment difficiles, au cours desquelles Béthune semble avoir vieilli de 10 ans, le docteur Béthune se coupe légèrement avec son bistouri. Lors d'une intervention, sa blessure s'infecte et il meurt d'une infection du sang en novembre 1939. Alors, comme je vous ai mentionné en préambule de ma présentation, c'est pas la fin de l'histoire. En Chine, le docteur Béthune va rapidement intégrer le panthéon des héros. Mais au Canada, il va passer par un long purgatoire avant d'obtenir une certaine reconnaissance. En Chine communiste, on lui rend hommage de manière spontanée. Mao Tse-tung, qu'il avait rencontré personnellement, a écrit un texte sur lui intitulé Tinian by Chouen, ou à la mémoire de Normand Béthune, qui décrit Normand Béthune comme une personne altruiste, un exemple que tous les communistes chinois devraient suivre. Mais les choses ne vont pas en rester là. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Avant l'arrivée de Béthune, la Chine est divisée. Il y a d'une part les nationalistes, le Kuomintang, et les communistes, le Guo Changdang. Puis il y a les seigneurs de guerre qui contrôlent des parties de territoire. Béthune n'acquiert donc au départ qu'une notoriété partielle seulement dans le monde du communiste chinois et non pas dans toute la Chine. Mais l'histoire, bien sûr, continue d'évoluer. Après la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre civile chinoise qui reprend. En 1949, à la déclaration de la République populaire de Chine, ce sont les communistes qui en ressortent triomphants. Et Normand Béthune se retrouvait ainsi chez les vainqueurs de l'histoire. Bientôt, toute la Chine allait entendre parler de lui. Il faut à ce moment-là réaliser l'ampleur de ce qui venait de se produire en Chine. Une première révolution en 1911 avait mis fin à des millénaires de système impérial tout en laissant la Chine morcelée dans un état de faiblesse perpétuelle. La révolution de 1949, après des années de guerre, des millions de morts, c'est un véritable tremblement de terre de l'histoire mondiale. C'est une révolution qui, en importance, n'a rien à envier à la révolution russe et à la révolution française dans l'histoire. Et enfin, les Chinois sont de nouveau unifiés. Lorsque le nouveau régime est établi, la porte est ouverte pour de grands changements. Dans ce contexte, se crée un espace permettant de faire entrer de nouveaux héros au panthéon des Chinois. Et puisque Normand Béthune se conforme bien avec les idéaux du nouveau régime, il se voit octroyer une place de choix. L'article écrit par Mao après sa mort, la mort de Béthune devient même l'un des articles phares de la nouvelle doctrine du communisme chinois. Pétun sert d'exemple pour transformer les mentalités chinoises, pour aligner leurs valeurs avec celles du nouveau régime. Bétun est donc élevé au statut d'icône du communisme chinois, un héros d'une stature vraiment immense. Au même moment dans l'histoire, on arrive au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Bruit de cricket. Les relations sino-canadiennes cessent en 1949. Et il y a à peu près que dans certains milieux de gauche qu'on conserve la mémoire vivante du docteur Bétun. Si en Chine, Bétun s'était retrouvé chez les vainqueurs de l'histoire, il faut dire qu'au Canada, il était définitivement un perdant de l'histoire. Au départ, tout semble pointer que Normand Bétun demeurerait un marginal, peut-être une note de bas de page de l'histoire. Mais l'histoire en décidait autrement. Une première brèche vers la normalisation des relations sino-canadiennes est créée en 1958 avec un traité commercial permettant la vente de blé canadien à la Chine. Les Canadiens vont en Chine dans ce contexte et réalisent à quel point Bétun est incontournable. On peut, par exemple, entendre l'éloge de Bétun dans les rues, dans les haut-parleurs. Il recommence à ce moment-là à faire l'objet d'articles de journaux et de certaines publications. Il commence à redevenir important, mais c'est vraiment surtout avec la normalisation des relations de Pierre-Éliott Trudeau et de Mao en 1970 que Bétun va vraiment avoir des reconnaissances nationales. En 72, il devient un citoyen canadien d'importance nationale. En 1973, le gouvernement canadien achète sa maison de naissance pour la transformer en musée. Et donc, Normand Bétun devient un citoyen important dans le cadre du développement des relations sino-canadiennes parce que le gouvernement canadien voulait favoriser les relations avec la Chine. Donc, c'est ça, grosso modo, dont il est question dans mon livre. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses et puis j'aurais pu continuer longtemps, mais je crois que j'ai déjà largement dépassé. Merci. Merci, Marc. Merci pour ta présentation. Comme tu sais, j'ai lu le livre en question. J'en ai même fait le compte-rendu là, dans une revue scientifique. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, justement, qui présente un héros canadien qui est très méconnu dans l'histoire. On en avait parlé précédemment, tu l'as raconté au début. J'ai moi-même connu Normand Bétun dans les rues de Chine parce que tous les chauffeurs de taxi connaissent Normand Bétun en Chine. Tu as parlé dans ton livre, tu parles beaucoup des deux trajectoires de la mémoire. Bon, c'est un héros en Chine à cause du texte de Mao. Tu parles, il était perçu un peu comme un traître au Canada. Tu en as glissé quelques mots à la fin de ta présentation, mais qu'est-ce qui explique pourquoi il était à ce point-là dans l'ombre au Canada et pourquoi il devient à ce point-là important dans les relations sino-canadiennes là, avec la normalisation des relations? Quel rôle va jouer Normand Bétun à ce moment-là et pourquoi aussi il était dans l'ombre un peu avant? Alors, pourquoi il est dans l'ombre? J'en ai glissé un mot, effectivement, chez les Chinois, avec la victoire des communistes en 1949, Bétun se trouve du côté des gagnants de l'histoire, alors qu'au Canada, qui sont les gagnants de l'histoire? Ce sont principalement les classes fortunées, capitalistes. Et puis au Québec, nous sommes en plein duplessisme, le duplessisme conservateur, le pouvoir, l'Église catholique qui est très puissante à cette époque. Pour tous ces gens, le communisme, c'est pas spécialement quelque chose de bien vu. Bien au contraire, le communisme, c'est pour l'Église, le communisme, c'est le diable. Mais c'est peut-être pas juste pour ça, parce que Bétun lui-même n'avait pas accompli, comment je dirais, de grandes choses au Canada. Et il aurait pu effectivement demeurer une simple note de bas de page de l'histoire. C'est vraiment grâce au fait qu'il va devenir une grande légende en Chine qu'il va être éventuellement redécouvert ici au Canada. Et effectivement, c'est le gouvernement Diefenbaker qui commence à développer les relations sino-canadiennes en 1958 avec un accord de blé pour la vente de blé canadien en Chine. Et puis, à ce moment-là, des Canadiens vont commencer à aller en Chine et se rendre compte à quel point sa légende est déjà immense, à quel point c'est déjà un personnage incontournable. Mais les relations vont se normaliser simplement, seulement quelques années plus tard, environ en fait en 1970, avec Pierre-Elliott Trudeau qui décide vraiment d'amorcer les relations avec la Chine. Et là, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça devient important de reconnaître Béthune? C'est que Béthune est tellement important pour les Chinois que ils vont en parler constamment aux Canadiens. Et puis les Canadiens vont s'en rendre compte, ils vont apprendre sur la vie de Béthune et les diplomates vont parler dans leurs discussions privées avec les Chinois. Par contre, quand les Chinois visitent le Canada, ils réalisent que Béthune n'a reçu aucun hommage spécial de la part du Canada. Et donc, ça les amène à se questionner pourquoi les diplomates et les politiciens parlent de Normand Béthune dans leurs discussions privées. Et quand nous, on arrive ici, on va visiter la maison de Normand Béthune à Greyburnus, en Ontario, sa maison de naissance. Il n'y a absolument rien qui rappelle le souvenir de Normand Béthune. Et donc, les Chinois étaient déçus et les Canadiens ont senti la nécessité éventuellement de remédier à ce manque. Donc, voilà pourquoi on va éventuellement lui donner des reconnaissances nationales. Tu parlais de son importance en Chine, de son héroïsation. Béthune, on sait, c'est un personnage qui est un peu contesté, qui est complexe à comprendre. Tout le monde s'entend pas pour dire exactement là, quel genre de médecin c'était. Il y avait des techniques un peu, qu'on dit, téméraires au travail. Il y en a qui se questionnent à savoir si c'était un bon chirurgien. Mais il y a un événement que tu mentionnes dans ton livre, je pense, qui vaut la peine d'être remémoré. Je pense que c'est le 28 avril 1939, là, tu parles d'un événement, là, il aurait opéré 115 soldats en 69 heures. C'est le genre d'événement là, qui aurait contribué à créer la légende du docteur Béthune. Il impressionnait vraiment sur le terrain là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça, des événements marquants qui ont contribué à créer cette héroïsation des événements spectaculaires mis à part là, cette fameuse journée. Il y a eu quelques journées comme ça où vraiment sa performance a été exceptionnelle et ça a eu vraiment un fort impact là, sur les Chinois qui étaient là, qui étaient présents. Ils pensaient, coudonc, ce Normand Béthune, ce docteur canadien, il est infatigable. Il opère pendant des heures et des heures avec une rapidité inouïe. Ce qui, effectivement, au Canada, pouvait être contesté parce que son mentor à l'hôpital Royal Victoria de McGill était réputé pour opérer très lentement. Et même Normand Béthune riait un peu de sa technique en disant lorsqu'il est prêt à faire la première incision, c'est l'heure d'aller prendre le thé. Et donc, il y avait une certaine tension entre Béthune et d'autres chirurgiens qui avaient effectivement une technique plus lente. Et Béthune opérait plus rapidement et pouvait parfois, à l'occasion, faire des erreurs à cause de cette rapidité. Mais il trouvait que c'était utile pour réduire le temps d'opération. Le temps où la personne avait la plaie ouverte sur la table d'opération, ça permettait une meilleure guérison, selon lui. C'est vrai aussi. En Chine, évidemment, sa rapidité va être une qualité unanimement reconnue, surtout dans un contexte de guerre, bien évidemment. Je pense qu'il y a au moins deux moments comme ça, charnières. Je n'aurai pas la date pour vous aujourd'hui, mais je pense qu'il y a au moins deux moments où il a péri d'une façon spectaculaire, là, un nombre considérable de blessés chinois. Pour contribuer justement à créer sa mémoire. J'ai une petite question. Bon, on parle un peu de la relation avec les médecins ici. Comme on disait, il y a des débats à savoir là, si c'est un bon chirurgien. Il y avait une technique plus rapide par rapport à des techniques plus lentes. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est, puis tu en parles dans le livre, là, dans la première partie du livre, que Béthune, entre autres, il avait en horreur l'establishment médical qui critiquait souvent là, les médecins qui semblaient indifférents au serment d'Hippocrate. Il parle de gens qui étaient avides de profit, qui désiraient protéger leur réputation, puis qui n'osaient pas justement opérer les cas difficiles. Tu parlais de citation tout à l'heure. Il y a un extrait justement de Normand Béthune qui disait Purifions la médecine de la notion de profit individuel, purifions notre profession de la rapacité individualiste, faisons en sorte qu'il soit mal vu de s'enrichir aux dépens de la misère humaine. C'est le genre d'idée, je pense, qui aide à comprendre le personnage, pourquoi il est intéressé par l'action, son attrait pour le communisme. La question que j'ai en lisant des choses comme ça, on sait que Béthune, sa mémoire a été instrumentalisée par l'État canadien pour favoriser le rapprochement avec la Chine, pour faire plaisir aux Chinois. Mais est-ce que dans le milieu médical, dans la communauté des médecins, est-ce que tu es au courant si la mémoire de Béthune, justement de cette critique à l'égard de l'establishment médical, est-ce qu'il y a des médecins qui honorent la mémoire de Béthune à l'intérieur des communautés médicales ou c'est juste dans le ballet diplomatique sino-canadien qu'on retrouve cet honneur-là à l'égard de Béthune? J'aurais pas une réponse complète à te donner à ce sujet-là, mais d'abord, juste pour me mettre en contexte, moi, je pense qu'il y a trois portes qui nous amènent à connaître Normand Béthune. La première, c'est la Chine. Donc, c'était la mienne, en fait. Moi, quand j'ai appris à connaître Béthune grâce à mon intérêt pour la Chine. Il y a la gauche. Donc, les personnes qui sont d'emblée plutôt de gauche communiste vont s'intéresser à la vie de Normand Béthune. Et le troisième aspect, c'est effectivement les docteurs, les personnes qui sont intéressées parce que Normand Béthune est un docteur qui a une vie quand même vraiment intéressante. Et moi, quand je parlais de Béthune à des docteurs, spontanément, je les trouvais très intéressés par l'histoire. Par contre, est-ce qu'ils partageraient ses valeurs? C'est probable que non. C'est tout ce que j'aurais à dire à ce Donc, sujet. il y a des oppositions à ce niveau-là. Avant de conclure, tu m'as envoyé des chansons. On l'a entendu plus tôt dans l'émission, là, avant l'entrevue. Une chanson que tu m'avais envoyée, tu me disais, c'était pour le 80e anniversaire de Normand Béthune. Il y avait eu un événement. Si tu veux présenter un peu brièvement, là, cette chanson-là et le contexte de l'événement, là, auquel tu avais participé en 2019, là, lié à cette chanson-là qu'on a entendue. Plus tôt dans l'émission. Oui, alors c'est que en 2019, en novembre 2019, on célèbre à ce moment-là, on commémore le 80e anniversaire de la mort de Normand Béthune, qui est décédé en novembre 1939. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je suis un nouveau chercheur dans l'histoire de Béthune, et puis on m'invite à participer à la commémoration. On va aller notamment à l'ambassade chinoise à Ottawa. Et puis, c'est là où on a joué la chanson en question. C'est une ode à Normand Béthune, je crois, a été composée justement pour l'occasion. C'est vraiment une chanson qui rend un immense hommage à Normand Béthune et qui dit « Normand Béthune, c'est pas n'importe qui, c'est un phénix, c'est un surhomme, il nous a aidés, non, non, non. » C'est vraiment plein d'émotions, plein de grandeur. Plein de d'admiration envers ce docteur Une canadien. chanson qui reflète un peu le texte de Mao à la gloire là, de justement à la gloire de Normand Béthune là. Oui, d'une autre façon, bien sûr, d'une façon plus lyrique, là, évidemment, vu que c'est en chanson, mais oui, un peu, ça rappelle légèrement, effectivement, le texte de Mao. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation de ton livre. Je rappelle le titre, Revenant de Chine, Normand Béthune en mémoire. Beaucoup de choses à découvrir dans l'histoire de ce personnage et surtout dans l'instrumentalisation de sa mémoire, on peut le dire comme ça, à l'intérieur du ballet sino-canadien, le ballet diplomatique sino-canadien. Peut-être en terminant, tes impressions justement sur l'instrumentalisation de la mémoire. Si on considère les relations diplomatiques sino-canadiennes, on sait qu'il y a eu des hauts et des bas à travers l'histoire. Récemment, entre autres, il y a eu un froid pendant plusieurs années. Est-ce que tu crois que Normand Béthune serait justement un personnage qui pourrait venir sauver la donne avec la récente visite de Carney en Chine? Je pense que dans toute cette histoire de diplomatie, d'instrumentalisation, je pense que Bétulle lui-même trouverait très ironique le fait que lui-même, un communiste, a favorisé les relations des capitalistes canadiens avec la Chine. Et donc, effectivement, dans ces années-là, les années 70, quand ça commence, ça favoriser effectivement les relations avec la Chine. Maintenant, jusqu'à l'époque de Trudeau, le fils, Justin Trudeau, en 2016, il va aller en Chine, il va présenter des médaillons à l'effigie de Béthune. Et donc, cette diplomatie continue jusqu'à nos jours. À savoir si Mark Carney a évoqué le nom de Béthune, je pense que c'est probable, mais j'ai pas vu la note dans les journaux. Par contre, ce qu'on voit aussi dans le livre, c'est que constamment, il y a un éléphant dans la pièce, et cet éléphant, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont un impact sur nos relations avec les autres pays, dont la Chine, surtout si les États-Unis sont pas tout à fait d'accord, avec le développement de ces relations-là. Ce qui est une situation à suivre, mais à savoir si Carney a évoqué Béthune, on ne le sait pas, mais c'est certain qu'il y a certainement des Chinois qui leur en ont parlé. Merci encore, Marc. Ton livre Revenant de Chine, qui est disponible partout. Merci pour l'entrevue et au plaisir de se reparler. Merci à toi, ben oui, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et vous venez tout juste d'entendre une entrevue qui a été réalisée avec Marc Saint-Pierre au sujet de son livre sur l'histoire du docteur Normand Béthune. Et comme nous l'avons vu au cours de la présentation faite par l'auteur, avant de se rendre en Chine et de participer à la guerre de résistance contre le Japon, le docteur Béthune s'était d'abord rendu en Espagne dans le cadre de la guerre civile espagnole de 1936-1939. La dernière chanson qu'on va entendre aujourd'hui, c'est une chanson qui est justement tirée de cette période historique troublée. Il s'agit de l'un des hymnes qui symbolise le mieux la résistance contre le fascisme qui gagnait alors en importance partout dans les pays européens. Voici donc, pour terminer l'émission d'aujourd'hui, une chanson remplie d'espoir, une chanson qu'il serait bon de ne jamais oublier, et pourquoi pas, de continuer à fredonner ensemble devant les menaces fascistes qui ne sont jamais très très loin. Il s'agit d'un chant interprété en espagnol qui nous dit « Ils ne passeront pas, no pasarán ». Mon nom est Calderi et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, siatzaitien pa. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente, y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas y italiana de los puentes, solo quieran las que son republicanas. De los puentes solo quieran las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán.